Fadjet, c'est l'été en Lorraine. Le samedi 22 juillet à 20h, grand concert de gala au château de Jolny. Aurore Thibault, bonjour. Bonjour. Vous êtes propriétaire du château que vous faites revivre déjà depuis plusieurs années maintenant. Une renaissance que vous partagez au public, notamment avec ce prochain rendez-vous du 22 juillet, le grand concert de gala qui va se passer donc dans le parc arboré. Expliquez-nous un peu qu'est-ce qu'on va pouvoir écouter et à quel concert on va assister. On va pouvoir assister à un concert de gala destiné à soutenir en fait la restauration, cette fois-ci, c'est parti, du toit, du vieux château, de la partie donjon. Et ce concert va vraiment nous donner à entendre un chœur européen de jeunes. Et pour le coup, on va faire revenir les anciens de ce chœur-là, dont j'ai eu la chance de faire partie dans ma jeunesse. Donc le chœur de jeunes européens Robert Schumann, c'est ça? Oui, c'est ça, le chœur européen Robert Schumann. Donc ces musiciens, les chefs de chœur, donc qui nous viennent d'Allemagne, de France, mais aussi de Luxembourg et de Belgique, vont revenir pour l'occasion et nous faire vivre une soirée musicale grandiose, forte en émotions, ça je vous le garantis. Et vous l'avez évoqué, donc ce concert, c'est un concert de gala, mais aussi avec l'intérêt derrière de pouvoir financer des travaux du château. Le château, lui, qui remonte au XIe siècle et qui a besoin, et qui a déjà eu quelques travaux, mais il y a toujours besoin de prendre soin de lui. Exactement, et là c'est vraiment les gros travaux que nous engageons donc sur la partie monument historique. Jusqu'alors c'était des petits travaux, mais là c'est la grande opération. Donc il y a un projet en trois phases qui va au moins compter un budget de 2 millions. Donc c'est l'origine, on est au démarrage là de cette grande partie de restauration façade, toit. Et effectivement, toutes les recettes du concert en fait seront reversées pour ces travaux-là, qui devrait d'ailleurs démarrer pendant l'hiver 2024, printemps 2025. Et en plus de la contribution au concert, il sera possible durant la soirée eh bien, de devenir mécène avec une contribution exonérée de vos impôts à hauteur de 66%, ce qui contribuera à faire revivre l'un de nos derniers monuments de Lorraine, du médiéval de Lorraine. Pour le resituer un peu, ce château de Jolny, géographiquement déjà, vous pouvez nous le resituer? Eh bien oui, la ville, le petit village de Jolny est situé en fait aux confins de la Meurthe-et-Moselle, tout proche de la Meuse. Et puis nous sommes environ à 40 minutes de Metz, 55 minutes de Nancy, et plutôt proche de Pont-à-Mousson, environ 20 minutes. Nous sommes pas très loin de la Madine, pour ceux qui connaissent le lac de la Madine. Voilà, donc une belle occasion de revisiter aussi ce secteur de la Lorraine, et aussi d'aller assister à ce concert, donc qui aura lieu le samedi 22 juillet à 20h. La participation, elle est de 15 euros, c'est ça? Exactement, c'est 1h15 d'expérience vocale hors du temps avec le chœur Robert Schumann et une entrée de 15 euros. Les réservations sont déjà disponibles d'ailleurs. Donc on n'hésite pas, on peut aller se rendre sur le site du château de Jolny? Tout à fait, vous pouvez venir visiter notre site, vous trouverez le lien de réservation, ce sera très simple et vous serez guidé pas à pas. Donc n'hésitez pas pour être sûr de réserver votre place. Après, il sera possible de payer sur place, mais je ne sais pas quelle place il restera. Ce sera plus aléatoire. Donc le concert, c'est le samedi 22 juillet à 20h. Et à l'issue du concert, vous préparez une petite surprise? Effectivement, vous serez amené à découvrir dans notre taverne des breuvages de Bonalois, comme l'on dit, par chez nous, de l'hypocrasse médiévale, des jus de pommes, jus de fruits locaux et également différentes boissons actuelles. Donc n'hésitez pas à venir vous rafraîchir sur les remparts et à la taverne. Nous aurons de quoi vous sustenter et puis vous pourrez aussi discuter avec les musiciens et les chanteurs qui se seront donnés pour vous en concert. Ce château, vous le faites revivre depuis quelle année maintenant? Ça fait combien de temps que vous avez repris les rênes? Nous avons repris les rênes avec Emmanuel Pénétra, qui est mon conjoint. Donc, c'est nous deux qui sommes à l'œuvre depuis novembre 2020. Et en fait, nous ouvrons cette année notre troisième saison culturelle et estivale, avec une programmation culturelle dont ce concert fait partie. Exactement. Voilà, 3 ans déjà. Et cette programmation estivale, justement, on peut peut-être en parler. Donc il y a bien sûr ce rendez-vous du 22 juillet, très importante hein, pour pouvoir financer des futurs travaux. Mais on peut aussi venir visiter. Qu'est-ce que vous nous préparez pour l'été aussi? Et on vous prépare des ateliers pour les enfants déjà. certains mercredis de l'été, vous pourrez tout retrouver sur notre site, mais aussi des marchés le lendemain d'ailleurs du grand concert, des marchés de 10h à 18h avec des producteurs locaux, artisans, et un brunch musical le lendemain avec encore un petit aperçu de concert de nos artistes. Et puis, donc, je vous le disais, nous aimons les petits marchés locaux et on va reproduire l'expérience en marché nocturne, cette fois le 2 août et le 15 août. Des produits locaux essentiellement? Alors, on va pouvoir découvrir des artisans qui fabriquent des bijoux, qui fabriquent des objets déco, des vêtements, des tissus recyclables, vous savez, donc dans toute cette démarche zéro déchet. Et puis, on a aussi toute la partie des producteurs. Donc là, on est très fiers d'avoir, par exemple, de nouveaux producteurs qui se lancent à Joligny-Maine. Donc, un producteur de miel, un producteur de bière. Ça y est, la bière du château est même sortie grâce à lui. Notre brasseur à Joligny vous présentera ses produits également. Il y aura des lentilles, il y aura d'autres produits de la sorte. Plein de possibilités de rendez-vous si on va se balader du côté de Joligny, mais bien sûr ce rendez-vous du samedi 22 juillet à 20h, le grand concert de gala au château de Joligny. On n'hésite pas à se rendre notamment sur votre site internet château-de-joligny.com. Vous êtes aussi sur les réseaux sociaux, me semble-t-il. Exactement. Très actif sur Facebook, vous pouvez nous retrouver avec et suivre nos événements pas à pas. Mais retenez une seule chose, nous sommes ouverts tous les dimanches pour des visites du château. Une visite à 15h, une visite à 16h30. Et tous les dimanches, nous faisons des animations, ce qu'on appelle les dimanches au château. Donc vous pourrez toujours venir un dimanche et vivre quelque chose en plus de la visite. Merci beaucoup, Rortier Beau. Merci à vous.